égal J, à Tozik Nord, c'est ça. Année 87, j'ai commenté le rêve de vie en grandissant dans le quartier loin du soleil, des tropiques, ici les murs sont gris, mais y'a des peaux de chaque couleur, alors mon cœur bat de culture et cicatrise ma douleur, je me sens moins seul. Avec la mille feu du raté, majeur en l'air pour les connards qui pensent ou pas qu'on est raté, la vie est belle. Le destin s'en écarte, je pense à tous mes disparus que je regarde dans les cartes. Putain, mes souvenirs sont là mais ne partiront pas. Si fier d'être un rappeur venu parler de la galère d'en bas. Sur le béton on est planté comme des radis. Dites à la France qu'elle nous rend dingue, on la maudit, qu'elle est radine. Monsieur le président ne comprend rien au corps. Dans les quartiers dessinés, sa tête de chien boité avec un glock. Dans le cerveau des chefs d'état c'est comme des clones. Je décolle de la vacille de leur vision sur la jeunesse des blocs. Petit joue au carton et me demande ce qu'est un gun et de finir dans les cartons. Comment se faire du fric sans trimer ça dans les usines. Ne leur dis pas que c'est facile quand t'allais pas changer dans un Uzi. Enfant usé dès la naissance, on n'y peut rien. Ça fait si mal d'être en primaire et de déjà se faire traiter vaurien. Discriminé au petit âge est affolant. Alors fêlés deviennent certains en s'accrochant à l'insolence. Merde, je vois des gosses dans le bonheur différents donnes. Ne sachant pas qu'à la maison c'est un enfer et que les parents se droguent. Ouvrez les portes du soleil et des étoiles. Je veux un espace pour mes petits et de la chance qu'il y a avec l'espoir. De square milieu de vie, soi-disant parental. Pour regarder les reportages dans les cités, faut l'accord parental. À part mentir chez les médias, il n'y a rien d'autre. Et sur mon dos, je porte le poids de l'expression que veut rappeler un monde. Le soleil arrive et la tempête se part. Et dans la barque du morceau on a changé à s'en taper des barres. Réduire les bagarres et se mater travers. Se diriger vers le respect c'est terminé. Les vaniques et ta mère. Faut pas tailler nos vies dans les actions de barre. Je la violence, je la connais. Des moments je voudrais jeter mon masque. Masqué par la jura, ciblé de préjugés. C'est pas la juge mais le seigneur de tout là-haut qui pourra me faire juger. Je parle pour les gosses et de leur destinée. J'ai estimé que le mal est là mais tous ensemble on ira l'esquiver. Et puis c'est le point afin que le savon. On fera la ronde autour du monde sur une musique de Charles Aznavour. L'amour un sentiment que chacun doit connaître. Alors j'espère qu'un jour ou l'autre mes yeux me feront tomber comme une comète. Et gâché, je veux du soleil pour tout le monde. A Tozik Nord production. Je veux du soleil.